Plus jamais je ne rentrerai en scène. Je ne chanterai jamais plus. Plus jamais ces heures passées dans la loge à souligner l'œil et à dessiner les lèvres avec toute cette scintillance de poudre et de lumière. Plus jamais revêtir le strass, le pailleté du velours noir. Plus jamais cette attente dans les coulisses, le cœur à se rompre. Plus jamais descendre vers vous, venir à vous pour enfin nous retrouver. Écrire aujourd'hui est un moyen de continuer le dialogue. Précis. 27 avril 1997. Tu vas remettre du poids, le chat. Il était un piano noir. Fait bon, là. Hein. D'après les mémoires interrompues de Barbara. Adaptation Sophie Lem. Avec le froid qui fait dehors. Une enfance nomade. Votre existence commence le 9 juin 1930, à la nuit tombante à Paris, près du square des Batignolles. Petite, votre vie n'est pas toujours douce et vous avez souvent besoin de vous évader. Petite fille, je me suis construit un monde comme beaucoup d'enfants et je m'y suis enfermée. Dans ma vie imaginaire, il y avait de longues promenades dominicales avec ma mère, de longues conversations, des rires, une grande tendresse et des secrets partagés. En réalité, l'échange avec elle était bien difficile à cette époque. J'ai adoré ma mère, mais je n'ai gardé souvenir ni d'une marque de tendresse ou de complicité de sa part, ni d'une simple promenade avec elle. Je ne me rappelle pas qu'elle se soit jamais intéressée à mes lectures, qu'elle ait guidé ou nourri mes goûts en quoi que ce soit. Une fois pour toutes, le cerveau de la famille était mon frère Jean. Du coup, je me sentais souvent bête et humiliée. Dans ma vie imaginaire, il y avait aussi un gros chien. Et des souliers vernis noirs avec une fine bride autour de la cheville, comme en portaient les petites filles aisées et qui me faisaient follement envie. Il y avait surtout un piano noir. Dans votre famille, la musique ne se transmet pas de génération en génération. Alors dans votre enfance, je n'existe pas pour de vrai. Je suis un clavier imaginaire. Le vôtre. Dans ce monde, j'étais pianiste chantante. Je tambourinais sur une table des musiques que je scandais ou miaulais infatigablement. Mes mains se posaient, s'agitaient au-dessus de ce clavier imaginaire et durant de longues heures, j'étais la plus grande pianiste du monde. Vous aurez 29 ans quand je rentrerai véritablement dans votre vie. Je serai à vous, enfin. Les souliers à brides deviendront vos souliers de scène. Quant au chien, votre sœur un jour vous en offrira un brillard blond que vous baptiserez Indien. Mais revenons à votre enfance. Quand vous venez au monde, vous ne vous appelez pas encore Barbara, mais Monique, Monique Cerf. Vous avez donc un frère, Jean, de 2 ans votre aîné. Jacques, votre père, est représentant en fourrure. Tandis qu'Esther, votre mère, travaille à la préfecture. Tous deux sont juifs. Votre grand-mère, Granny, vous élève en partie. Elle illumine vos premiers souvenirs. Dans la grande maison, les glandes, les volets se sont fermés. Dans le matin léger, Églantine, pour toujours s'en est allée, pour toujours s'en est allée. Et l'enfant veuf, superbe dans ses habits de velours, l'enfant veuf pleure sur son premier chagrin d'amour. Nous n'irons plus jamais dans les grandes allées qu'elle aimait pour cueillir en bouquet les roses transparentes de mai. Sous son ombrelle, ma fiancée, qu'elle était belle, je l'avais tout à moi, ma mime, ma divine. bavardage et partageait ses secrets. Elle disait, mon enfant sauvage, mon chéri, mon adoré, mon tout petit fiancé. Que j'aimais ma grand-mère. Elle était toute menue, avec des pommettes très hautes, des grands yeux noirs, des mains très fines. Elle avait vu le jour à Tiraspol, en Moldavie, où est née également ma mère. Elle sentait le miel et me préparait des pâtisseries aux raisins de Corinthe, des strudels aux pommes et aux noix pilées. Elle me consolait de tout. Je grimpais sur ses genoux, me calais au creux de son épaule. « Raconte quand tu étais en Russie, quand t'es venue à Paris, raconte quand maman était petite. » Granny raconte. Et pour la remercier, je m'assieds devant la table et sur vous, mon clavier imaginaire, je lui joue ma musique. Dans le grand salon d'Églantine, les roses sont effeuillées. Sur le piano, quelques sonatines commencées, inachevées. Commencées, inachevées. Descends de là. Descends de là, le chat. Superbe dans son habit de velours, l'enfant triste d'un doigt rejoue la valse des amours. Sous le lustre en cristal, elle le tenait dans ses bras. C'était son premier bain. Très vite, les voyages rythment votre vie. À l'âge de 8 ans, en 1938, après avoir quitté Paris pour Marseille, vous vous retrouvez à Roanne, dans la Loire. Au début de l'année 1939, vous revenez en région parisienne, au Vésinet. Puis la France entre en guerre et votre père est mobilisé. Poitiers, Blois, Châteauroux. La famille, parfois éclatée, voyage beaucoup. En 1942, Jacques est démobilisé et tout le monde se retrouve à Tarbes. Cette année est extrêmement violente pour vous. J'ai de plus en plus peur de mon père. Il le sent, il le sait. J'ai tellement besoin de ma mère. Mais comment faire pour lui parler? Et que lui dire? Que je trouve le comportement de mon père bizarre. Je me tais. Un soir, à Tarbes, mon univers bascule dans l'horreur. J'ai 10 ans et demi. Les enfants se taisent parce qu'on refuse de les croire. Parce qu'on les soupçonne d'affabuler. Parce qu'ils ont honte et se sentent coupables. Parce qu'ils ont peur. Parce qu'ils croient qu'ils sont seuls au monde avec leur terrible secret. De ces humiliations infligées à l'enfance, de ces hautes turbulences, de ces descentes au fond du fond, j'ai toujours ressurgi. Il m'a fallu un sacré goût de vivre, une sacrée envie d'être heureuse, une sacrée volonté d'atteindre le plaisir dans les bras d'un homme pour me sentir un jour purifiée de tout. Longtemps après. Je dis ça avec des larmes qui viennent. C'est quoi ces larmes? Qu'importe, on continue. J'ai le souvenir d'une nuit, une nuit. De mon enfance, toute pareille à celle-ci, une longue nuit de silence, moi qui ne me souviens jamais du passé qui m'importune, C'est drôle, j'ai gardé le secret de cette longue nuit sans lune. J'ai souvenir qu'une nuit, une nuit de mon enfance, toute pareille à celle-ci, une longue nuit de silence. Soudain, je me suis éveillée. Il y avait une présence. Soudain, je me suis éveillée dans une demi-somnolence. C'était au dehors, on parlait à voix basse, comme un murmure, comme un sanglot étouffé. Au dehors, j'en étais sûre. J'ai souvenir qu'une nuit, une nuit de mon enfance, toute pareille à celle-ci, une longue nuit de silence. J'allais à demi éveillée, guidée par l'étrange murmure. J'allais à demi éveillée, suivant une allée obscure. Il y eut, je me le rappelle, surgissant de l'allée obscure, il y eut un bruissement d'ailes là, tout contre ma figure. C'était au cœur de la nuit, c'était une forêt profonde, c'était là comme cette nuit, un bruit sourd venant d'outre-tombe. Qui es-tu pour me revenir? Quel est donc le mal qui t'enchaîne? Qui es-tu pour me revenir? Et veux-tu que vers toi je vienne? S'il le faut, j'irai encore tant et tant de nuits profondes, sans jamais revoir l'aurore, sans jamais revoir le monde. Pour qu'enfin tu puisses dormir, pour qu'enfin ton cœur se repose, que tu finisses de mourir sous tes paupières déjà pelouses. J'ai le souvenir d'une nuit, une nuit de mon enfance, toute pareille à celle-ci, froide et lourde de silence. En mars 1942, avec un nouveau printemps, naît votre petit frère Claude. Vos parents sont informés d'une menace de rafle. Vous avez été dénoncé par un voisin. Vous quittez Tarbes rapidement. La famille se divise encore. Durant les dernières années de guerre, vous êtes à nouveau sur les routes, Chasseneuil, Grenoble, puis à l'été 1943, Saint-Marcellin. C'est joli. Saint-Marcellin, avec cette longue, grande rue, lieu de rassemblement de toute la jeunesse. C'est joli, Saint-Marcellin, le dimanche, à la sortie de la messe, quand nous allons nous gaver de petites barquettoseries chez M. Rivol, le pâtissier. Nous nous installons très vite dans une villa dotée du premier jardin dont je me souvienne. Il y a des dahlias géants, fauves. C'est à Saint-Marcellin que survient un événement qui marquera durablement votre vie. Depuis quelque temps, ma main droite devient malhabile. C'est d'abord une douleur, puis une légère perte de sensibilité. Dans la paume, un petit noyau dur grossit. Je suis opérée une première fois, en urgence. 6 autres opérations suivront. Le docteur Roussel a sauvé votre main, mais pour ce qui est du piano... Mon clavier imaginaire éclate dans ma tête. Ma mère me promet alors de me faire prendre des cours de chant dès que j'en aurai l'âge. Si je ne joue pas de piano, je pourrai toujours chanter. Je veux récupérer mon doigt. Je veux jouer du piano. Cette main, ce doigt atrophié dont les tendons ont été sectionnés, feront l'objet d'une rééducation que j'entreprendrai seule. Pendant longtemps, je ne jouerai qu'avec 4 doigts. Plus tard, c'est ce qui décidera de notre place sur scène. Les graves côtés publics, contre toute habitude et logique. Août 1944, comme un bouquet de feux d'artifice, la libération de Paris, Paris libéré. Qu'est-ce que ça peut représenter pour moi à cette époque-là? Les voyages, les exodes, les fuites n'ont jamais rendu ma vie douloureuse. La faim ne m'a pas vraiment tenaillée, je n'ai jamais été trop longtemps séparée de ma mère, nous n'avons jamais porté l'étoile jaune, aucun de nous n'a été déporté. Mes peurs et mes douleurs d'enfant, est-ce vraiment à la guerre que je dois les imputer? Vous quittez Saint-Marcellin en 1945, vous avez 15 ans. Je suis triste, j'éprouve une drôle de sensation. J'ai beau savoir que c'est pour retrouver Paris, pour moi, c'est partir vers l'inconnu. 23 ans plus tard, vous passerez un jour, par hasard, à Saint-Marcellin, au cours d'une tournée. Vous demanderez à Peter, qui conduit votre belle Mercedes grise, de s'arrêter. J'ai eu tort, je suis revenue dans cette ville au loin perdue où j'avais passé mon enfance. J'ai eu tort, j'ai voulu revoir le coteau glisser le soir, bleu et gris, ombre de silence. Et j'ai retrouvé comme avant, longtemps après, le coteau, l'arbre se dressant. Comme au passé, j'ai marché les tempes brûlantes, croyant étouffées sous mes pas, les voix du passé qui nous hantent et reviennent sonner le glas. Et je me suis couchée sous l'arbre, c'était les mêmes odeurs. Et j'ai laissé couler mes pleurs, mes pleurs. J'ai mis mon dos nu à l'écorce, l'arbre m'a redonné des forces, tout comme au temps de mon enfance. Et longtemps j'ai fermé les yeux, je crois que j'ai prié un peu, je retrouvais mon innocence. Avant que le soir ne se pose, j'ai voulu voir la maison fleurie sous les roses. J'ai voulu voir le jardin où nos cris d'enfants jaillissaient comme source claire. Jean-Claude et Régine et puis Jean, tout redevenait comme hier. Le parfum lourd des songes rouges, les dahlias fauves dans l'allée, le puits, tout, j'ai tout retrouvé. Hélas, la guerre nous avait jetés là, d'autres furent moins heureux, je crois, autant jolis de leur enfance. La guerre nous avait jetés là, nous vivions comme hors la loi, et j'aimais cela quand j'y pense. Ou mes printemps, mes soleils, ou mes folles années perdues, ou mes 15 ans, ou mes merveilles, que j'ai mal d'être revenu. Oh, les noix fraîches de septembre et l'odeur des murs écrasés, c'est fou tout, j'ai tout retrouvé. Hélas, il ne faut jamais revenir, autant cacher les souvenirs du temps béni de son enfance. Car parmi tous les souvenirs, ceux de l'enfance sont les pires, ceux de l'enfance nous déchirent. Ou ma très chérie, ou ma mère, où êtes-vous donc aujourd'hui? Vous dormez au chaud de la terre, et moi je suis venue ici pour y retrouver votre rire, vos colères et votre jeunesse. Je suis seule avec ma détresse, hélas. Pourquoi suis-je donc revenue et seule au détour de ces rues? J'ai froid, j'ai peur, le soir se penche. Pourquoi suis-je venue ici où mon passé me crucifie? Elle dort à jamais, mon enfant, mon seul. En octobre 1945, Granny vous attend dans son petit appartement de la rue Marcadet. Nous nous étreignons en pleurant de joie. Elle ne pose aucune question. Elle a préparé un strudel et des kirkel. Je lui montre ma cicatrice et, à nouveau, les notes de musique éclatent et se cognent dans ma tête. Granny aussi les entend. Elle pose ses mains sur mon visage et du bout des doigts, recueille le désespoir qui glisse lentement de mes yeux. Granny, je serai chanteuse. En 1946, vos parents trouvent un appartement rue Vitruve, dans le 20e arrondissement de Paris. Cet été-là, nous partons en vacances. Nos premières vacances en famille, à la mer, en Bretagne, à Trégastel. Un après-midi, je fugue pour fuir mon père. J'en peux plus. Je marche, je marche, je marche. Je décide d'aller à la gendarmerie. Le gendarme m'écoute attentivement. J'ai même l'impression qu'il me croit. Et il m'explique que je suis pas majeure et que je dois retourner chez mes parents. C'est mon père qui vient me chercher. Il laisse entendre que je suis une malade, une affabulatrice. Il me ramène à la maison. Je le hais. Je suis punie pendant plusieurs jours, mais je sens que ma démarche l'a frappé. Ce même été, toujours à Trégastel, un après-midi où vous êtes seule dans la maison, vous entendez distinctement la voix de votre granny. Sa plainte semble sortir des rochers. Lorsque ma mère revient, je lui fais part, bouleversée de ce que j'ai entendu. Quelques heures plus tard arrive un télégramme. Ma mère doit rentrer d'urgence à Paris. Granny s'est endormie. Ma granny nous a quittés. Dans la grande chambre d'Églantine, l'enfant s'est agenouillé. Sur le lit blanc repose Églantine, il a posé un baiser. Au bout de ses doigts glacés, le pays où tu vas, où l'on ne va pas quand on est petit, le pays des parents, où j'irai aussi quand je serai grand. Aura-t-il des prairies, des chevaux blancs? Est-ce loin ce pays? Emmène-moi, dit grand-mère. Sur la grande maison d'Églantine, le portail s'est refermé. C'est fini, Églantine. Pour toujours s'en est allé, pour toujours s'en est allé. Un pas lent, derrière de grands chevaux de velours, un enfant pleure sur son premier chagrin d'amour. Ma granny, je l'ai tellement aimée que même aujourd'hui, j'ai du mal à en parler. C'est comme une morsure en plein cœur. Granny prépare des kirkels. Granny me donne une petite poupée russe, une boîte, un sac. Granny sent la poudre de riz. Granny me tient contre elle dans le grand lit. Granny me chante une berceuse. Je n'ai fait mon deuil de granny que très tard, longtemps après. Votre mère, très ébranlée, se replie sur son chagrin. Votre père s'absente souvent et de plus en plus longuement. Peu à peu, la relation entre vos parents se dégrade. Viendra bientôt un jour où votre père quittera Vitruve pour ne plus jamais y revenir. La vie deviendra moins étouffante. C'était « Il était un piano noir » d'après les mémoires interrompues de Barbara. Premier épisode, une enfance nomade. Avec Sophie Doll, Barbara, Claude Aufort, le piano noir. Adaptation Sophie Lemp, conseillère littéraire Emmanuelle Chevrière. Prise de son, montage, mixage, Claude Niort, Martin Delafosse. Assistante à la réalisation, Cécile Lafont. Réalisation, Juliette Eman. Il était un piano noir, Mémoires interrompues de Barbara, et publié aux éditions Fayard.